L'important, c'est d'avoir un rapport animal avec l'animal. Tout animal a un monde. C'est curieux parce qu'il y a des tas de gens, il y a des tas d'humains qui n'ont pas de monde. Peu à peu, les cochons retrouvent leur comportement instinctif. Bête comme ses pieds. Oh. C'est toi qui es bête comme tes pieds. Les animaux ont aussi leur histoire, par Michel Pastoureau et Mathilde Wagman. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Les animaux ont aussi leur histoire, une émission que vous retrouvez tout l'été sur France Culture. Chaque dimanche à midi, l'historien Michel Pastoureau, médiéviste et spécialiste de l'histoire de la symbolique occidentale, nous conte les déboires à travers les siècles d'un animal. Après avoir fait le portrait d'un volatile la semaine dernière, nous évoquons aujourd'hui la figure d'un monstre marin. Un monstre réel, bien vivant, mais dont le gigantisme prodigieux ne cessera sans doute jamais de nous émerveiller. À moins que... Notre planète en comptait 230 000 représentants en 1930. Il ne serait plus aujourd'hui que 10 000 et leur nombre dans nos océans ne cesse de décroître. L'homme aura-t-il pour finir raison de ce majestueux habitant des mers ? Aujourd'hui, portrait d'un géant, la baleine. Au même instant, de l'arrière vint une commotion, une poussée invisible. Tandis que l'avant du bateau semblait heurter un écueil, la voile s'affaissa avec bruit et un jet de vapeur brûlante fusa tout près. Quelque chose comme un tremblement de terre roula et s'écroula au-dessous de nous. L'équipage se sentit à moitié suffoqué. Nous nous trouvions lancés pêle-mêle dans la blanche crème caillée du remous. Rafale, baleine et harpon s'étaient mêlés tous ensemble et la baleine, à peine effleurée par le fer, échappa. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. C'est avec un extrait du roman de Herman Melville, Moby Dick, paru en 1851, que nous ouvrons cette émission, un extrait lu par Michel Bouquet pour une adaptation radiophonique diffusée le 26 décembre 1955. S'il ne fallait citer qu'une œuvre parmi toutes celles qui ont mis en scène la sidération humaine face à la baleine, ce serait celle-là. Oui, bien sûr, d'autant que Melville a lui-même été à bord d'un navire baleinier pendant quelques années, 5 ou 6 ans si je me souviens bien. Donc il sait de quoi il parle quand il met en scène les aventures de son capitaine à cap qui parcourt les mers du globe à la recherche d'un énorme cachalot qui l'a mutilé à une jambe quelques années plus tôt et il est obsédé par la lutte contre cet animal qu'il veut tuer. Il entraîne dans la catastrophe tout son équipage. Il ne reste plus que parmi les survivants que le narrateur de cette histoire qui est paru d'abord en Angleterre sous le titre The Whale, la baleine, et qui n'a pris le titre de Moby Dick que dans l'édition suivante américaine. Alors commençons par le commencement et par définir ce dont nous allons parler. On l'a dit à l'instant, hein, la baleine. Moby Dick n'est pas en fait une baleine, c'est un cachalot. Définissons donc de quoi on parle s'agissant des baleines. La définition elle-même pose des questions historiques puisque pendant longtemps, la baleine est considérée comme un poisson, non comme un mammifère. Oui, la notion de mammifère n'émerge vraiment qu'au XVIIIe siècle, donc on ne parle jamais de mammifères marins. On parle de poissons de très grande taille, d'animaux aquatiques monstrueux, et on a du mal à établir une typologie de ces animaux que le latin désigne par un seul mot, c'est tous. Parfois on isole au sein de ce monde des cétacés la baleine, baleina, et que l'on distingue du cachalot, fusétaire, celui qui souffle. De fait, aujourd'hui, la zoologie distingue nettement la baleine du cachalot, en ce sens que le cachalot a une énorme tête, une très grande bouche et des dents, alors que la baleine a une bouche plus petite et n'a pas de dents, mais des lames cartilagineuses, des fanons, qui ne lui permettent pas d'avaler de gros animaux. Donc ce sont deux espèces assez différentes et au sein du monde des baleines, il y a plusieurs variétés, si je puis dire, en taille, en poids, en aspect. La plus grande, c'est la baleine bleue, qui peut atteindre 27, 30 mètres de long même, et un poids autour de 160, voire 200, 220 tonnes pour les individus records, à distinguer de la baleine franche, qui est un peu plus petite, qu'on trouve dans l'Atlantique, qui ne dépasse guère 100 tonnes, et puis la baleine grise, qui est encore un peu plus petite, autour de 35-40 tonnes. Mais ces trois variétés de baleines sont en effet en voie de disparition, parce que l'on a surexploité la chasse à la baleine, alors que le cachalot, lui, est encore présent en assez grand nombre. Il reste peut-être 10 000, 15 000, 18 000 baleines, alors qu'il reste dans les mers du globe peut-être 1 500 000 ou 2 millions de cachalots. Donc la différence est très grande. Alors dans l'Antiquité, Aristote est assez clairvoyant sur la nature des baleines. Dans ses écrits sur les animaux, il la classe parmi les cétacés. Que recouvre cette catégorie à l'époque ? Alors, la notion de cétacé, le mot lui-même n'apparaît qu'assez tard, je crois qu'il faut attendre la fin du XVIIIe siècle. En 1804, le grand zoologue et homme politique aussi, Lacépède, écrit dans la suite de l'histoire naturelle de Buffon, une histoire des cétacés. C'est peut-être le premier livre qui a ce mot dans son titre, mais Aristote constate que ces animaux allaitent leurs petits. La notion de mammifère n'est pas encore très clair chez lui, mais ce sont des animaux qui ont des mamelles et qui allaitent leurs petits, donc ça les distingue des autres créatures aquatiques. Ce savoir aristotélicien va disparaître à l'époque romaine et surtout au Moyen-Âge, et au Moyen-Âge, la baleine, c'est un énorme poisson. Ça n'est même pas le roi des poissons qui, dans les bestiaires et les encyclopédies du Moyen-Âge, est le dauphin. C'est pour ça que dans les images, dans les miniatures par exemple, le dauphin a très souvent une couronne sur la tête. C'est le roi des poissons. La baleine n'est qu'un poisson, énorme certes, mais un poisson parmi d'autres. Et quand on est historien, évidemment, on ne peut pas projeter sans précaution aucune nos savoirs et nos catégories d'aujourd'hui dans le passé. Il faut étudier le discours du passé sur les animaux par rapport aux catégories et aux savoirs de ce passé. Sinon, on dit d'énormes bêtises. Alors, la baleine, sans doute en raison de son gigantisme, est depuis des temps très anciens l'objet de bien des légendes. C'est de ces légendes dont nous allons parler aujourd'hui. Impossible de ne pas citer ici celle du livre de Jonas. Oui, c'est un livre biblique qui est un peu à part. C'est presque un conte merveilleux. C'est un livre court dans l'Ancien Testament qui raconte comment le prophète Jonas a reçu de Dieu pour mission d'aller à Ninive. Ninive, c'est la capitale des Assyriens, c'est Mossoul actuellement, pour les avertir que s'ils ne réforment pas leur comportement, Dieu va les punir. Alors évidemment, c'est une mission difficile. Et alors, Jonas cherche à y échapper. Il s'embarque à bord d'un navire, pensant que s'il quitte Israël, il ne sera plus sous la domination de son Dieu. Et puis, le navire dans lequel il a embarqué est pris par une tempête. Les marins comprennent que l'un d'entre eux attire les catastrophes sur le navire. On repère Jonas. Tout le monde prie son Dieu et lui ne prie personne puisqu'il est fâché avec son Dieu. Jonas est la figure d'un désobéisseur. C'est un désobéisseur, un boudeur, un prophète grognon, mais en même temps très humain. Les marins, donc, pour s'en débarrasser, le jettent par-dessus bord et Jonas est avalé par un énorme poisson que la tradition a assimilé à une baleine. Là, il séjourne pendant 3 jours dans le ventre de l'animal. Nombre symbolique, il se repent, il prie Dieu, celui-ci a pitié et ordonne au monstre de rejeter le prophète sur le rivage. Et une fois sur le rivage, Jonas vient à récipiscence et décide d'accomplir sa mission et il part à Ninive avertir les Ninivites que Dieu va les punir. Et puis les Ninivites se réforment un peu, expient leurs fautes et Dieu leur pardonne. Et alors Jonas est de nouveau furieux contre Dieu qui a pardonné si facilement. Il va bouder en dehors de la ville sous un arbre qu'on assimile à un ricin. Et Dieu, pour lui donner une leçon, comme tous les prophètes bibliques, Jonas est chauve, donc il se protège avec les feuilles de l'arbre des rayons du soleil. Dieu fait en sorte que l'arbre perde ses feuilles et Jonas est brûlé par les rayons du soleil. Et l'histoire finit un peu énigmatiquement comme cela, alors que Pour un lecteur moderne, Jonas attire plutôt la sympathie. Il est profondément humain, faible, coléreux. Mais pour, comme exemple biblique, dans l'Antiquité au Moyen-Âge, c'est un homme rebelle qui désobéit à son Dieu. Oui, c'est une histoire assez drôle, hein, si on pense à sa version, à la version qui est celle de l'Ancien Testament. Il y a de l'humour dans ce personnage rebelle, désobéisseur. La lecture qu'en fait la chrétienté par la suite est un peu différente. Vous avez évoqué l'importance de ces trois jours dans le ventre de la baleine qui sont associés au chiffre 3 des trois jours de la résurrection. Oui, ou à la descente de Jésus aux enfers, avant la résurrection. Et donc, quelques auteurs en font une sorte d'antétype de préfiguration du Christ, ce qui permet de prendre Jonas en bonne part, en quelque sorte. Alors, il existe une autre légende, Michel Pastoureau, peut-être moins connue que celle de Jonas et la baleine. Je veux parler de la légende de Saint Brendan, un abbé irlandais qui, dans un voyage sur l'océan Atlantique au 1er siècle de notre ère, voyage avec plusieurs moines et accoste sur ce qu'il croit être une île qui se révèle en fait être une baleine au repos. Voilà, la plus ancienne version en latin date du Xe siècle, mais l'histoire se passe plutôt au 5e, 6e ou 7e siècle, selon les traditions. C'est un abbé qui part avec 12 moines pour un long voyage maritime. Il leur arrive des tas d'aventures, il visite le purgatoire, l'enfer, où Brendan rencontre Judas qui souffre de peines terribles. Brendan obtient d'ailleurs de Dieu qu'il adoucisse les peines de Judas. Ensuite, ils arrivent au paradis, qui est une sorte d'île merveilleuse faite de montagnes entièrement fabriquées dans des pierres précieuses. Et puis surtout, c'est l'épisode le plus célèbre, ils accostent sur le dos d'une baleine qui se chauffe au soleil à la surface de la mer. Ils prennent ce dos de baleine pour une île, ils s'y installent, ils allument des feux, ils préparent un repas, ils disent la messe, ils décident d'y rester et font pousser quelques plantes, et puis la baleine se réveille naturellement et d'un coup dorsal les jette à la mer. Certains arrivent à regagner leur embarcation et à finir le voyage. C'est un épisode raconté très souvent au Moyen-Âge, que celui de la baleine qui se chauffe au soleil et que les marins prennent pour une île sur laquelle ils accostent et sur laquelle il reste un certain temps. Mais dans la légende originale, la baleine n'est pas maléfique, aucun marin ne périt, et ce n'est pas par malveillance qu'elle est au repos. C'est une baleine déguisée en île. Mais au Moyen-Âge, cette idée-là est transformée. Elle est associée peu à peu à un comportement malveillant, voire diabolique. Oui, au fil du temps, la baleine devient de plus en plus négative. Et quand on prend les bestiaires des 12e et 13e siècles, puis les encyclopédies qui leur font suite, c'est une créature du diable, c'est un monstre. La mer, d'ailleurs, est peuplée de monstres et de créatures épouvantables. On a très peur de la mer au Moyen-Âge. Mourir noyé en mer, d'ailleurs, est une mort épouvantable, parce que on n'a pas le temps de se confesser ni de recevoir les derniers sacrements. Donc les âmes des noyés n'ont pas de sépulture, elles errent sur les mers, tourmentant les vivants pour leur demander une sépulture. C'est toute légende autour de ces navires fantômes et ces âmes des marins. Il y en a dans toutes les régions du globe en bord de mer. Donc on a très très peur des voyages maritimes au Moyen-Âge. Joinville, qui a accompagné Saint-Louis au cours de sa première croisade, par voie de mer, parti d'Aigues Mortes, était terrifié, hein, nous sommes en 1248, terrifié à l'idée de monter sur un navire et peur de mourir en mer, qui est la pire de toutes les morts. D'ailleurs, au Moyen-Âge, les marins passent pour des gens dont il faut se méfier. Ils ont tendance à rançonner les pèlerins et les voyageurs, et même à les jeter par-dessus bord. Même les marins d'eau douce ont cette mauvaise réputation. Et puis il y a l'idée que dans la mer vivent des créatures épouvantables et redoutables. C'est pour ça d'ailleurs que, en matière de nourriture, on préfère les poissons d'eau douce aux poissons de mer, qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont plus valorisés. Les carpes, les brochets, les anguilles sont sur la table des rois et des seigneurs, alors que les poissons de mer, et notamment le hareng, hein, des pilier de l'alimentation carnée au Moyen-Âge, c'est pour la table des petites gens. Oui, au Moyen-Âge aussi, on ne sait pas ce qu'il y a au fond de la mer. Ça peut expliquer aussi qu'on en ait si peur, y compris de ces poissons. On a très très peur, oui, de ces animaux marins que l'on connaît très mal. Et c'est le cas de la baleine dont les auteurs parlent alors qu'ils n'en ont jamais vu et que les imagiers représentent sans en avoir jamais vu non plus. Il faudra attendre pour avoir des représentations un peu réalistes, entre guillemets, le XVIe siècle. Oui, dans les bestiaires du Moyen-Âge, Michel Pastoureau, la baleine est aussi associée au diable, elle est associée à la figure du Léviathan dans la Bible. Oui, on lui prête, parce qu'on confond baleine et cachalot, une gueule monstrueuse avec d'énormes dents. Dans certaines images, on montre des canines surdéveloppées qui ressemblent à celles d'un sanglier ou aux défenses d'un éléphant. On lui donne un aspect pisciforme, mais une taille colossale. Donc la baleine met en scène le monde de la mer, le monde des marins et des aventures maritimes, mais aussi le monde de l'énormité, du colossal, du monstrueux, et ça dans la longue durée, pas seulement au Moyen-Âge. Alors, colossale, monstrueuse, la baleine l'est au Moyen-Âge, mais elle est aussi réputée pour ses vertus chastes. Oui, on s'interroge sur la façon dont les baleines s'accouplent. Et là, il y a deux versions. Une première qui n'est pas la plus répandue chez les auteurs de bestiaires. Les deux animaux se livrent à un contact charnel traditionnel, mais donc qui agite les flots au-delà de toute mesure. La femelle se mettant sous le mâle, celui-ci doté d'un appendice, bref, comme tous les autres animaux, ou la plupart. Et puis il y a une autre version, beaucoup plus répandue, qui fait de la baleine un animal chaste parce qu'il n'y a pas de contact charnel entre le mâle et la femelle. Le mâle émet une semence qui se répand dans la mer et que certains coquillages, notamment la moule, parfois l'huître, acheminent jusqu'au réceptacle de la femelle. Voilà une reproduction sans copulation qui semble exemplaire aux yeux de certains clair qui prône évidemment toute forme de chasteté. Michel Pastoureau, il nous faut évoquer l'une des dimensions les plus fondamentales de l'histoire de la baleine, sa chasse. Alors pour commencer cette évocation, une question tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de chasse et non pas de pêche ? Probablement parce que on utilise des moyens spécifiques pour capturer cet animal, et notamment on n'utilise pas, comme pour la pêche, une ligne au bout d'une canne avec un hameçon ou des choses équivalentes, mais flèche, lance, harpon, donc un objet qu'on lance au bout duquel on a attaché une corde ou un filin. Et le but, évidemment, c'est de s'emparer des nombreux produits que peut procurer une baleine. Alors pendant longtemps, on s'est contenté des baleines échouées sur les rivages. Puis on a, notamment en Norvège, dès le haut Moyen-Âge, appris à pousser les baleines vers les rivages pour qu'elles s'échouent de manière un peu artificielle en quelque sorte. Puis ensuite, on a conduit de véritables guerres faites à la baleine, qu'on appelle chasse, pour s'emparer de toutes sortes de produits. D'abord la graisse, qui sert à beaucoup de choses. La graisse et l'huile de baleine, pour s'éclairer notamment, c'est un produit absolument indispensable. Et puis, on en tire aussi de la chair, de la viande. La langue est un mets particulièrement recherché sur les côtes du nord de la France. Les abbayes réclament les langues de baleine qui ont été récupérées, et c'est le mets de choix offert à l'abbé lui-même. Avec la peau de baleine aussi, on fait des objets en cuir, on fabrique de la colle. Avec ses dents, et c'est dans des cachalots, et les fanons des baleines se servent de cette matière pour faire des objets de petite taille en général, de même que pour les os, dans lesquels on taille des ustensiles de toutes sortes. Les tendons eux-mêmes peuvent faire des cordages, les viscères, des engrais, etc. Bref, on retire toutes sortes de richesses de cet animal, d'où le développement de la chasse à partir du XIIIe siècle. Et après les Norvégiens, ce sont les Basques qui se spécialisent dans la chasse à la baleine, parce que les baleines de l'Atlantique Nord, pour se reproduire, viennent dans des eaux plus chaudes, et notamment celles du golfe de Gascogne. Alors les Basques se spécialisent dans ce type de chasse. Ce sont les premières chasses véritables, hein. On n'est plus dans la technique de l'échouage. Non, on est dans la technique où on est embarqué sur des canots assez frêles, à 6, 8, 10, 12 hommes. L'un tient le gouvernail, les autres rament, et en tête il y a le harponneur qui lance à la main un harpon, parfois plusieurs harpons. Quand l'arme est entrée dans le dos de la baleine, celle-ci gigote, on attend qu'elle s'épuise avant de la tirer vers le rivage. Et c'est une spécialité vraiment des populations qu'on appelle basques aujourd'hui. Et les villes de bord de mer de cette région, aussi bien côté français que côté espagnol, ont parfois représenté sur leur sceau une image de chasse à la baleine. Preuve que c'est une des activités principales de cette zone géographique. Malheureusement, ça ne va pas durer parce que à la fin du XVe, au début du XVIe siècle, on a peut-être surexploité et les baleines ne viennent plus se reproduire dans le golfe de Gascogne. Donc la chasse se déplace vers d'autres régions de l'Atlantique et notamment vers l'Islande et vers le Groenland. Alors à un moment, les marins basques louent leur service sur des navires soit anglais, soit néerlandais. Ce sont eux qui ont pris le relais pour cette chasse à la baleine, qui peut aussi conduire les chasseurs vers le Grand Nord, vers les îles du Spitzberg, à l'extrême nord de la Norvège, dans l'océan glacial. Puis au XVIIe siècle, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la chasse des place vers l'Atlantique du Nord-Ouest, et ce sont les côtes américaines qui commencent à se spécialiser chasse à la baleine. Les colonies anglaises, hein, des côtes américaines à l'époque. Voilà, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, à partir des années 1660, 70, 80. Certaines villes sont même spécialisées dans la chasse à la baleine, notamment la fameuse ville de Nantucket. Et cette chasse va durer au fond de ce milieu du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, jusqu'à l'époque de Melville et Moby Dick. Oui, c'est justement dans ce contexte que se situe le roman de Melville. Voilà, il est en fin de parcours, si je puis dire, puisque au moment où le roman paraît, la chasse est un peu en régression, notamment parce que on a trouvé d'autres sources d'énergie pour s'éclairer. On a découvert le pétrole, et puis la ruée vers l'or de Californie fait que beaucoup de personnes modestes qui servaient à bord des navires ont trouvé un moyen de gagner de l'argent plus rapidement en allant chercher de l'or vers San Francisco et sa région. Mais tout de même, dans le roman de Melville, le capitaine Ahab incarne un type de capitaine tout puissant sur son navire. Ça, c'est aussi une réalité historique, Michel Pastoureau. Oui, le capitaine est maître à bord. Il a droit de vie et de mort sur ses marins. Et ce capitaine est un homme buté, mais redoutable aussi. Et Melville en dresse un portrait qui est plus négatif que positif. Donc c'est une réalité. On a évidemment pour ces époques beaucoup d'autres documents qui nous montrent la vie des marins à bord. On navigue longtemps, on part pour longtemps, le temps est long, on s'ennuie. On dessine, on sculpte des petits objets, soit taillés dans des fanons de baleine ou des dents de cachalot, soit dans d'autres produits tirés de la mer. Donc il y a tout un toute une mythologie qui est née autour de cette chasse à la baleine et de la vie sur les différentes mers du globe, puisque plus on avance vers la fin du 19e siècle, plus les baleines se déplacent pour échapper aux prédateurs que sont les chasseurs. Mais alors comment passe-t-on à l'exploitation, si je puis dire, industrielle de la baleine ? Il y a aussi des évolutions techniques dans la chasse. Oui, il y a d'abord le harponnage qui change. Après le harpon lancé à la main, on invente vers les années 1860 le harpon lancé avec un canon. C'est le harpon à explosion. Alors après, il y aura le harpon à explosion. Ah, c'est pas la même chose. C'est en plusieurs étapes. Le harpon à explosion, c'est le harpon qui, une fois entré dans le dos de l'animal, explose et non seulement s'ancre dans les chairs, mais détruit tout ce qu'il y a autour et affaiblit plus rapidement l'animal. Puis après, il y aura le harpon lancé de manière électrique. Alors, c'est encore plus puissant et encore plus précis. Les navires eux-mêmes se transforment. On a des navires baleiniers qui deviennent de véritables usines flottantes, en ce sens que c'est à bord même du navire qu'on tire les produits de la baleine elle-même. On ne la hisse pas sur le pont, mais on l'accroche sur les flancs du navire et on traite presque industriellement la graisse, l'huile, les chairs, etc. Elle est dépecée à l'endroit même où voilà, elle est chassée. En mer, en quelque sorte. En haute sorte, mer, oui. Voilà. Et tout cela fait que chasser devient plus facile et on tue un plus grand nombre de baleines. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vers 1850, à l'époque du roman Moby Dick, on tue à l'échelle de la planète environ 1000 baleines par an. Trois générations plus tard, vers 1930, on est passé à 50 000. Ça devient absolument astronomique. Et on prend conscience de cette surexploitation au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait que l'on crée une commission baleinière internationale qui existe encore, qui prend des décisions, des moratoires, des quotas, des interdictions. Tout cela est répété, puis répété, puis répété, ça prouve que ces moratoires et ces quotas ne sont pas respectés. Il y a des pays plus rebelles que d'autres. Et quels sont-ils alors, ces pays qui alors, les pays pas ces règles. Les plus rebelles sont, je ne veux pas faire le dénonciateur, mais la c'est Russie. C'est moi qui vous le demande. Merci. La Russie, le Japon, la Norvège et l'Islande, soit par tradition, soit par nécessité, chassent la baleine et ont du mal à réduire la quantité d'animaux tués, voire à obéir aux moratoires demandés, alors que la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et même la Norvège ont plutôt obéi, en quelque sorte. Donc il y a encore des résistances. Ça n'est pas propre d'ailleurs à la Commission baleinière internationale. On peut observer que dans de très nombreux domaines, les décisions internationales ne sont, pour ainsi dire, jamais respectées. Certes. Par l'ensemble de la planète. Et aujourd'hui, on pense que la baleine est encore une espèce réellement menacée, qu'elle peut disparaître dans les années à venir ? Oui, non pas toutes les espèces de baleines, mais certaines d'entre elles, notamment la grande baleine bleue, et même certaines variétés de baleines grises. Ce n'est pas le cas du cachalot, ce n'est pas le cas non plus du petit rorqual, cousin de la baleine et peut-être le gros mammifère marin de ce type le plus abondant aujourd'hui dans les mers du globe, mais le grand rorqual lui-même est menacé. Donc il y a vraiment un animal qui est en voie de disparition. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils Prosper sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine, à la pêche à la baleine, tu ne veux pas aller, et pourquoi donc ? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa ? Va la pêcher toi-même puisque ça plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Le poème de Jacques Prévert, La pêche à la baleine, chanté par Germaine Montero sur une musique de Joseph Cosma. Dans ce poème, certains résistent et ne veulent pas aller à la pêche à la baleine. Merci beaucoup, Michel Pastoureau. Je renvoie nos auditeurs à vos deux livres, Les bestiaires du Moyen-Âge au seuil et Les animaux célèbres chez Bonneton, et à bien d'autres références bibliographiques qui seront sur le site de notre émission, sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an. Les animaux ont aussi leur histoire, une émission réalisée par Anne Franchini, préparée avec la collaboration de Romain Couturier et Antoine Vuillot, avec aujourd'hui à la technique Philippe Palares. Nous retrouverons Michel Pastoureau dimanche prochain à la même heure. La semaine prochaine, portrait du cochon. Il jette l'animal sur la table, une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prosper qui se lève, regardant son père dans le blanc des yeux. Dans le blanc des yeux bleus de son père, bleus comme ceux de la baleine aux yeux bleus. Et pourquoi donc je dépecerais une pauvre bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Puis il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare et se précipitant sur le père.